Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Guimauzo 107 FM. Et aujourd'hui, comme la majeure partie du temps, hein, on est en direct, mais vous connaissez la chanson. Et pour l'émission de ce soir, avant de vous annoncer le thème de ce soir, je tiens quand même à prévenir les auditeurs à qui je fais un grand coucou. Malheureusement, aujourd'hui, je suis un peu enrhumée, alors je m'excuse par avance si j'éternue ou si je tousse dans le micro. Hein. Je ferai tout ce que je peux pour pas que vous soyez embêtés. Mais voilà, au moins, vous êtes prévenus. Et pour l'émission de ce soir, hein, c'est encore une fois un thème qui me tient, comme tous les soirs, à cœur. On va parler d'environnement ce soir, et plus précisément de la cause de l'eau, avec Bernard Schmitt et Christiane Lécoanet pour le collectif Eau 88. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, c'est vrai que, comme j'ai l'habitude de le faire dans l'heure des loups, j'aime bien qu'on présente un petit peu mes invités, que les auditeurs situent un petit peu qui vous êtes. Alors, Bernard, tu le diras plus précisément, mais je vous présente déjà dans les grandes lignes. Vous me représenterez aussi à nouveau le collectif Eau 88. Donc, d'après ce que j'ai compris, toi, Bernard, tu es de l'association Oiseau Nature, qui fait dans l'environnement, bien entendu. Et toi, Christiane, tu es de la commission locale de l'eau et aussi correspondante UFC Que Choisir, c'est ça ? Référente environnement. Voilà, référente UFC Que Choisir. Merci beaucoup. Maintenant qu'on a situé entre guillemets les grandes lignes, est-ce que vous pouvez chacun vous présenter ? Je ne sais pas, on va commencer par... Tu as l'air déterminée, alors Christiane, je te laisse la parole. Alors, Christiane Lécoanet. Je suis chez UFC Que Choisir depuis 2014 et on m'a demandé donc de d'occuper la fonction de référente environnement à partir de 2016. Donc ma première sortie, c'était la siéger à la commission locale de l'eau à Épinal, qui avait eu lieu le 26 avril 2016. Voilà, donc ça c'est toi, et tu es aussi référente environnement de UFC Que Choisir. Donc UFC Que Choisir, défense du consommateur. Défense du consommateur, le titre parle de lui-même, donc voilà, c'est ce que tu fais, tu défends les consommateurs. Et toi Bernard, qui es-tu par rapport à l'association Oiseau Nature ? Alors moi, je venais d'une vie trépidante à Paris, mais j'étais vitellois de cœur et souvent d'esprit, puisque j'y viens depuis 1972 et que je m'y suis marié en 1975. Mais la vie professionnelle m'a amené à me promener dans le monde entier et dans beaucoup de régions de France aussi. Et donc, enfin, je prends ma retraite à Vittel il y a 2 ans et demi, et pour observer les oiseaux, entre autres. Et mon association me dit « Bernard, on te propose d'aller siéger dans une commission qui s'appelle la commission locale de l'eau. » J'en avais jamais entendu parler. Alors j'ai dit oui, pourquoi pas, si ça vous rend service. Alors je siège à la commission locale de l'eau, j'ai travaillé un peu le dossier avec quelques collègues, et j'ai rencontré Christiane Lécoanet le 26 avril 2016, quand, à notre grand étonnement, on nous a proposé de faire des transferts d'eau venant d'autres territoires sur Vittel. Alors là, on s'est regardé, on s'est dit c'est pas possible, et on a été 4 associations à voter contre ce projet. Oui. Et du coup, on a créé un collectif avec 4 personnes qui ne se connaissaient pas. On a créé un collectif eau qui a un objectif unique, c'est de s'opposer à ces transferts d'eau. C'est assez simple. Oui, on en parlera plus en détail de ces transferts d'eau, mais de toute façon, c'est le centre de l'émission de ce soir. Mais en effet, comme tu as dit, le collectif Eau 88 a été créé après la commission locale de l'eau à Épinal le 26 avril 2016. Qui de vous deux peut me dire un petit peu plus en quoi ça consistait, pourquoi ça a été créé, de quoi il était question déjà à cette époque-là? Alors, il était déjà question de faire des transferts d'eau, c'est-à-dire que la nappe des GTI est en déficit et comme il y a plusieurs personnes qui pompent, enfin plusieurs entités qui pompent, pour que il y a entre autres des industriels, Nestlé Waters et l'Ermitage, il y a aussi les agriculteurs et puis il y a l'approvisionnement en eau potable. Et pour réduire le déficit de cette nappe, il a été envisagé d'aller chercher de l'eau ailleurs, dans des territoires voisins, et de la porter par pipeline pour approvisionner en eau potable la population. Donc par pipeline, c'est un petit peu comme les gazoducs ou les choses comme ça. Voilà. Par tuyaux. Et donc, il était déjà question à cette époque-là de la répartition de l'eau potable pour les gens et la répartition aussi de l'eau locale des nappes phréatiques. Tu as parlé de GTI. Est-ce que tu peux peut-être dire à nos auditeurs ce que c'est? Alors, c'est la nappe des grès du Trias inférieur. C'est une nappe d'eau qui est immense, qui va de la Cornouaille à l'Allemagne du Nord et qui approvisionne donc les populations en eau potable. Mais cette nappe, il y a deux failles au niveau de Vittel. Il y a une faille à Vittel et une faille à Relanges, et qui font que cette nappe de grès a été coupée, isolée, et la partie donc Vittel se recharge très très très lentement. Elle se recharge très lentement parce qu'on ne peut pas pomper depuis Vittel la totalité de l'eau qui se trouve sur la totalité de la nappe d'eau des GTI. Mais non, parce qu'elle est cloisonnée. Voilà. Elle est cloisonnée par les failles. Et donc, ce qui pose problème, entre autres, c'est l'épuisement des nappes phréatiques, c'est ça? C'est l'épuisement de cette nappe phréatique. Cette nappe est en déficit donc depuis... On peut dire qu'elle est en déficit. Je crois que le déficit est connu depuis 1960, mais il est vraiment compris dans ses explications géologiques depuis les années 70-75. Parce qu'au début, on a cru que c'était les eaux d'Exorminier, c'est un peu compliqué, hein, de Lorraine, des mines de Lorraine, qui asséchaient ce coin de Vittel. Or, ça n'est pas possible. Les ingénieurs compétents ont vite compris qu'il s'agissait d'autre chose et qu'il s'agissait bien d'une surexploitation locale de cette eau profonde, d'accord. Donc le déficit est connu depuis 40 ans, un peu plus. Et on continue encore à se poser la question. Enfin, je suis un petit peu retournée de me dire que même 40 ans plus tard, les choses n'ont pas beaucoup évolué, si je ne m'abuse, Bernard. Oui, mais ça a permis à Nestlé de continuer à embouteiller. Depuis le temps, oui. Depuis le temps. Mais malgré la connaissance de ce déficit, il a été accordé à Nestlé une autorisation d'embouteiller, de pomper dans cette nappe pour embouteiller. En 1992, le préfet Banco donne une autorisation à Nestlé pour mettre en bouteille cette eau, qui jusque-là ne servait qu'à nettoyer les usines, pour faire très court. C'est ce qu'on appelle de l'eau de process. Et donc en 1992, vraiment bingo pour Nestlé, ils ont le droit de la mettre en bouteille et de surcroît de l'appeler eau minérale. Et de surcroît de la vendre uniquement à l'export, pour l'essentiel en Allemagne, et de surcroît en étant exonérée de taxes. Parce que d'après ce que j'ai bien compris, cette eau-là n'est pas minérale, et si elle était peut-être utilisée pour le nettoyage, c'est qu'elle n'est peut-être pas si bonne que ça. Alors c'est quand même une eau fossile, profonde, mais qui naturellement, de par la géologie qui est autour d'elle, contient certains minéraux qu'il faut en partie enlever. C'est le cas du fer, c'est le cas du manganèse, et c'est aussi le cas de l'arsenic. Le grès contient naturellement de l'arsenic, d'accord ? Donc, pour pouvoir boire cette eau correctement, il faut la traiter, enlever le fer, le manganèse, ramener l'arsenic à des normes autorisées, Oui. D'accord. Et c'est ce qu'on fait aussi pour notre eau du robinet. Donc Nestlé, bien sûr, le fait pour, les bouteilles, pour son embouteillage, et les collectivités le font pour les forages qu'ils ont et qui distribuent l'eau au robinet des gens. D'accord. Oui. Hein, donc cette eau est traitée, elle est exportée. Alors, ça, elle a Nestlé a l'autorisation de l'appeler eau minérale. Le préfet lui a donné cette autorisation. Pourtant, ce n'est pas de l'eau minérale, si j'ai bien compris. Moi, je pense que c'est de l'eau de table. Et quelle est la différence entre l'eau de table et l'eau minérale ? Alors, je pense que Christiane est venue avec ses documents. Oui. Comme ça, on aura des trucs précis. C'est les questions qu'on se pose tous. Oui, c'est vrai que je peux dire aux auditeurs, vous êtes venus avec des dossiers, vous avez des sources, vous avez des choses comme ça. Vous êtes vraiment très renseignés sur le sujet. Donc, voilà, Christiane, vous êtes tous les deux venus apporter des réponses assez précises à des questions qu'on peut se poser. Et je t'écoute si tu as trouvé Alors, ce que tu veux. Il y a trois sortes d'eau, l'eau minérale naturelle, l'eau de source et l'eau rendue potable par traitement. Et l'eau minérale, elle n'a pas les mêmes normes que l'eau potable, l'eau de consommation qu'on a au robinet. D'accord. Certaines eaux minérales, on le sait très bien, sont chargées en minéraux, justement, et ont une composition qui fait qu'il ne faut pas la consommer trop souvent. Alors que l'eau qu'on consomme, l'eau potable qu'on consomme au robinet, ça, on peut la consommer tout le temps, quoi. Oui. Et donc, ce qui pose problème, c'est que l'eau que Nestlé vend n'a peut-être pas la bonne appellation. Il y a une appellation légale, puisque le préfet lui l'a autorisé à l'époque. Nous pensons qu'il ne s'agit pas d'eau minérale, mais d'une eau de table. D'ailleurs, en discutant, et nous discutons très sereinement avec les responsables de Nestlé Waters, ils disent eux-mêmes, aujourd'hui, nous n'arriverions plus à avoir cette autorisation. Ah oui. Et on ne peut pas la leur retirer, cette autorisation? Ah, le préfet pourrait leur retirer, mais je ne pense pas qu'il ait été nommé pour cela. Et à propos du préfet, je pense qu'il y a un événement qui arrive assez prochainement. On en parlera plus en détail. Mais voilà, s'il y a déjà un problème, enfin une problématique déjà, c'est l'épuisement des nappes. Hein. Ça, je pense, c'est connu depuis longtemps. L'épuisement aussi des sources d'eau potable. Du moins, je me souviens d'un numéro d'Ocapi en 2006, je crois, qui parlait déjà de ça. Enfin, je dis ça, hein, j'étais adolescente à cette époque-là et on en est 12 ans plus tard à continuer à dire qu'effectivement l'eau s'épuise, hein, et pas que forcément dans les autres pays, ça arrive chez nous aussi, et c'est le cas de la source de Vittel, entre guillemets. Il n'y a que ça à Vittel ou il y a beaucoup d'autres sources d'eau? C'est une bonne question, ça serait important qu'on précise, parce que les reportages qu'on a pu voir dans les différentes télévisions allemandes ou françaises, hein, les Allemands s'intéressent beaucoup au sujet bien sûr, on globalise en parlant de l'eau de Vittel. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de prélèvement d'eau qui sont des eaux qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Pour faire court, il y a trois nappes, même si c'est pas tout à fait des nappes, mais on va dire il y a trois nappes dans lesquelles Nestlé puise de l'eau pour embouteiller. Il y a une première nappe qui produit l'eau départ. Hein, qui est environ situé à 30 mètres de profondeur. Ensuite, il y a la Vittel Grande Source et la Contrexéville qui sont puisées un peu plus profond, on va dire 40 mètres. Et puis cette eau des GTI dont parlait Christiane, les grès du Trias inférieur, hein, une couche géologique d'il y a 300 000 ans avec des quantités d'eau phénoménales, sauf à Vittel puisqu'il y a des failles, hein, qui elle se situe à 250-300 mètres sous terre. On la qualifie d'ailleurs souvent d'eau fossile. Hein, tellement l'eau de pluie pour y parvenir va mettre des dizaines, voire des centaines d'années. Oui. Hein. Donc c'est une eau qui est quand même assez remarquable, elle est filtrée par les différentes couches d'argile, etc. Et c'est une eau qui est pure, mais elle a certains inconvénients, comme je disais, l'arsenic. Donc Nestlé n'exploite cette eau, j'insiste, que depuis 92, et nous n'intéressons qu'à cette eau-là. Nous ne remettons pas en cause l'exploitation des autres eaux plus superficielles, dites et réellement minérales. Parce que si je comprends bien, le problème déjà, c'est la surexploitation de Nestlé de cette nappe qui va finir par son assèchement, si je comprends bien. Mais si elle est asséchée, qu'est-ce qui va arriver, surtout de la population aux alentours? Alors, c'est un vrai sujet. Dans les écrits, on ne travaille qu'à partir des documents officiels, hein, on n'invente pas de chiffres ou de choses comme ça. Dans les écrits, le bureau de recherche et de géologie minière, qui est compétent dans ce domaine-là, dit que 2050, on ne pourra pas aller plus loin avec cette nappe d'eau. 2050, c'est bientôt. Oralement, quand on est en séance, le représentant du bureau de recherche géologie minière, il dit très sincèrement, après 2030, on ne répond plus. Il faut entendre ça, hein, 2030, on est en 2018, il commence à faire chaud. Hein, oui. Et ce qui me paraît fondamental à dire, c'est que comme on va puiser cette eau profondément, il y a un moment donné où on va risquer de dénoyer les pompes. Alors c'est un nouveau concept, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que les pompes, elles vont être au-dessus de l'eau et elles ne pourront plus aspirer d'eau. Et ça veut dire qu'on risque d'avoir l'eau du robinet coupée d'un moment à l'autre. Hein. Et l'autre effet grave, c'est le phénomène de surverse. Ça veut dire que si, comme cette nappe se vide, l'eau ayant horreur du vide, il y a d'autres eaux qui peuvent s'infiltrer dans cette nappe-là et la polluer complètement. Il faut se rappeler que sous le Trias, il y avait la mer et il y a plein de sel. Hein. Donc tout d'un coup, on peut avoir une irruption de salinisation dans cette eau qui la rendrait impropre à la consommation. Donc le phénomène n'est pas si anodin que ça, quoi. C'est pas que l'assèchement, il n'y aura plus d'eau, ça peut être pire que ça. Oui, et ça peut avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques. Bien sûr. Très grave. Et justement, hein, c'est un peu le cœur du problème, Nestlé. Et d'ailleurs, ça fait partie du titre de la première pause musicale qu'on va passer. Un morceau intitulé Nestlé Water, c'est un morceau fait par des particuliers. Je pense que tu nous en parleras juste après la pause musicale, si tu arrives à nous situer un petit peu le contexte. Donc on s'écoute le morceau Gloire à Nestlé Waters et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Le bon maître avait inventé une eau miraculeuse qui fait éliminer les toxines et nourrit mon corps de minéraux essentiels. D'abord on la garda pour les riches amis, le bon maître avant de la vendre aux pauvres aussi. Il ne manquait plus pour faire sérieux qu'une manne providentielle. Face aux brèves industrielles. Heureusement, l'OPA ne se fit pas sans allier. Faut dire que nos élus étaient dans leurs petits souliers. Je file à ta femme la clé du sage contre une clé du ciel. Santé la plus verte que vert. Sur les terres qu'on rachète, on met les métayers qui seront les chiens de garde d'un bio labellisé et chanteront les vertus de nouvelles gammes phytosanitaires. La bouteille. Car bientôt les l'Amérique permettront d'attaquer les États ethniques qui persistent à traiter bien commun notre filon de zèle. Alors que la bouteille brille en noir. Pour conclure, mes amis, cette histoire cynique, l'eau c'est pas compliqué, c'est comme tout ça se fabrique. Si ça te fait pleurer, dire l'eau, mais c'est prêtera peut-être son mouchoir. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau Gloire, à Nestlé Water. Et si un auditeur a envie de réagir en saison sans aucun problème sur notre page Facebook Radio Gémozo ou par téléphone au 03 29 62 40 40, on se fera un plaisir ou de passer vos petits messages directement à l'antenne ou de vous laisser poser vos questions. Et je suis toujours avec Bernard Schmitt de l'association Oiseau Nature et Christiane Le Coanet, j'essaie de me relire. Toi, tu es représentante environnement de l'UFC Que Choisir et tu fais partie de la commission locale de l'eau. Et ce qui vous lie, c'est le collectif O88. Avant qu'on en parle, Bernard, c'est vrai que c'est toi qui as choisi les morceaux qui vont passer à l'antenne ou qui passent à l'antenne ce soir. Tu connais un petit peu le background de ce morceau ou tu les connais un petit peu ? Ah, je dois le connaître même pas mal du tout. Bah, je t'écoute. On va dire que c'est une production familiale. Étant tous un peu musiciens dans la famille, on a un fils qui est intermittent du spectacle et qui nous a aidés à produire cette chanson et à l'enregistrer. C'est une forme de lutte, finalement. Oui, c'est une forme de lutte. Puis de lutte un peu joyeuse. Il n'y a pas à être tout le temps triste de ce qui se passe. C'est déjà assez triste en soi. Mais je pense qu'on peut lutter en chanson. Et la chanson est porteuse de plein de choses. Oui, en effet, et dans ce cas-là, le morceau qui s'intitule « Gloire à Nestlé Water », ça veut tout dire, encore une fois, vu que c'est le cœur de la problématique de l'émission de ce soir et de la problématique qui vous préoccupe. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a jusque-là pas encore trop parlé du collectif O88, vu que, comme ce que je disais, c'est ce qui vous lie un petit peu. Christiane, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ce collectif, mis à part qu'il est né en 2016, si je ne me trompe pas? Le collectif O88, non, en 2016, oui. Oui, 2016, pardon. Oui, eh ben, suite à la réunion de la clé du 26 avril 2016, nous étions des représentants d'associations et nous avons été choqués par les propositions que nous faisait la clé, la présidente de la clé, d'aller chercher de l'eau dans les territoires voisins pour approvisionner les populations. Et donc, on était quatre associations, Oiseau Nature avec Bernard, et il y avait également Vosges Nature Environnement avec Jean-François Fleck, et l'ASVPP, l'Association pour la préservation des vallées et la protection, contre les pollutions. Toujours un peu difficile à dire. C'est un peu long. De Christian Guillaume. Et puis moi-même. Donc nous sommes quatre dans ce collectif O que nous avons ouvert ensuite aux gens de bonne volonté qui veulent bien nous rejoindre suite aux réunions publiques qu'on a organisées la semaine dernière, cette semaine, à Bugnéville, Vittel et puis hier à Dompaire. Je crois qu'on peut dire, sans te couper Lou. Non, je t'en prie, vas-y. Mais je crois qu'on peut dire que c'est Jean-François Fleck qui est vraiment à l'origine du dossier. Lorsque Oiseau Nature m'a désigné pour siéger à la clé, il m'a demandé aussi de me rapprocher de Jean-François Fleck, qui commençait à bien maîtriser le dossier en siégeant dans une autre commission. Il ne siégeait pas à la commission locale de l'eau. Et c'est vrai qu'il nous a ouvert les yeux sur ce dossier, que nous avons beaucoup travaillé avec lui, et commencé à alerter les médias dès février 2016, après avoir rencontré la présidente de la commission locale de l'eau, après avoir rencontré la préfecture, après avoir rencontré le président du conseil départemental. Donc vous avez, si j'ai bien compris, commencé à lancer des alertes après avoir vraiment compris le problème et après avoir réellement compris l'ampleur que ça a et que ce ne sont pas que des bruits de couloir, c'est fondé. Et encore, hein, je le répète, il y a des dossiers sur la table, donc on vient quand même avec des données, avec des sources, hein, vous maîtrisez vraiment votre sujet. Et concrètement, le collectif O88, donc si j'ai compris, c'est un collectif, c'est pas vraiment une association. Non, c'est un collectif informel. Il n'est pas du tout structuré en association. Il n'est pas là pour gérer des fonds. Il est là pour gérer un objectif et des manières de l'atteindre. Hein? D'accord. Et je pense que le terme que tu as utilisé est pour nous le bon terme. Ce collectif est un collectif de lanceurs d'alerte. Et globalement, enfin, mis à part, d'après ce que j'ai bien compris, lancer des alertes, il y a forcément la problématique de l'eau qui vous préoccupe et ce qui vous préoccupe le plus, c'est forcément le thème de ce soir, donc l'épuisement de l'eau des GTI, la surexploitation que Nestlé en fait et aussi le fait de la proposition de faire ramener de l'eau en pipeline pour les populations locales qui, si j'ai bien compris, c'est vrai que vous ne l'avez pas encore dit mais vous me l'aviez dit en aparté, ce serait même carrément aux frais du contributeur. Du contribuable, pardon. Tout à fait. C'est ce qui est prévu. Initialement, c'était stipulé dans les textes que on ne faisait pas appel aux porte-monnaie donc des industriels et que c'était les populations qui avaient à charge donc de payer ces pipelines. Alors ça a été plus ou moins évalué. Et on nous parle dans les dossiers de 0,34, enfin de 34 centimes d'augmentation du prix du mètre cube d'eau à 1 euro pour un investissement entre 10 millions et 20 millions. Mais ce sont des estimations et ce ne sont que les investissements. Oui. Parce qu'après, il va bien falloir faire fonctionner tous ces raccords, toutes ces stations et toutes ces canalisations. Et il va y avoir des frais de fonctionnement certainement très conséquents. Et ça n'a pas été évalué. En effet, c'est la facture sera plus conséquente qu'on ne l'imagine, en gros. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais on peut imaginer. On peut imaginer. Ça va, d'après le peu d'expérience que j'ai, ça va généralement dans ce sens-là. On annonce une baisse des factures, comme par exemple les comptes Linky, hein, l'émission que j'ai fait lundi. Ça annonce une baisse de la facture et en fait, en réalité, c'est une hausse. Bien sûr. Là, il n'y a pas de baisse d'annoncée. Voilà. Ah oui, donc... Non. Oui, et puis les marchés publics dérapent toujours, on le sait bien. Oui. Un marché public à 10 à 20 millions, ce ne sera pas ça à la fin. Non, en effet. Et donc, parmi les... comme vous l'avez dit, hein, vous êtes un collectif lanceur d'alerte. Et concrètement, comment est-ce que vous lancez vos alertes? Alors, notre sujet... d'abord, on n'a pas l'habitude de lancer des alertes. Donc, on n'est pas des lanceurs d'alerte professionnels. Mais on va se professionnaliser. On apprend. On a fait des choses très simples dès le départ. Quand on a pris conscience du sujet, on a fait des conférences de presse avec les médias locaux, tout simplement. Vosges Télévision, FR3, France Bleu, Vosges Matin, Actu 88, etc. Qui ont relayé le sujet. Voilà. Oui. Et puis, c'est un sujet un peu compliqué. Hein, donc, ça s'est un peu perdu dans les sables. Et quelque chose dont on n'a pas parlé, mais il faut l'aborder quand même, c'est qu'on s'est aperçu le 26 avril qu'il y avait une situation de conflit d'intérêts entre la présidente et Nestlé. la présidente de la commission locale de l'eau est tout simplement l'épouse d'un cadre dirigeant de chez Nestlé Waters, qui par ailleurs préside la vigie de l'eau, qui était chargée de porter le projet élaboré par la CLE. Donc ça faisait beaucoup, on ne le savait pas. Moi, habitant Vittel depuis très récemment, je ne connaissais pas les personnalités en cause. Je me suis renseigné et on s'est aperçu qu'il y avait conflit d'intérêts. Et donc on a saisi l'association Anticor, qui a fait un signalement au procureur de la République. Il existe toujours une enquête préliminaire en cours qui a été déclenchée, je crois, en décembre 2016, à l'encontre de Madame Pruvot, c'est son nom. Oui. Et nous demandions qu'elle ne soit plus présidente de la CLE. Elle ne l'est plus. Elle ne fait plus partie de la CLE, d'ailleurs. Et le procureur de la République, nous avons été entendus par la gendarmerie, le procureur de la République est en train de faire une enquête préliminaire pour suspicion de prise illégale d'intérêt. Bon, moi je parle de conflit d'intérêt parce qu'il est flagrant, c'est une situation objective, c'est au procureur de la République de décider s'il poursuit et s'il y a effectivement une prise illégale d'intérêt. Ça c'est un sujet juridique qui ne nous concerne pas directement, mais oui, qui nous a quand même ébranlés. Et là, on a saisi des médias nationaux, on a eu quelques articles dans le Canard Enchaîné, dans le Figaro, etc. Et c'est vraiment un peu plus tard, parce que pendant un an à Épinal, on nous a mis dans des instances de concertation un peu curieuses pour nous convaincre qu'il fallait changer d'avis. Et on a eu la chance d'avoir un article dans Mediapart il y a 3 mois. Par un journaliste allemand qui suit l'affaire depuis longtemps, puis ensuite il a saisi la télévision allemande et on a eu un emballement médiatique, Europe numéro 1, Antenne 2, le reporter, Mediapart, j'ai déjà cité, la télévision allemande qui est venue tourner des films pendant 3 jours à Vittel, etc. Donc actuellement, il y a vraiment un gros battage médiatique au cours du sujet, surtout en Allemagne d'ailleurs. Les Allemands sont vent debout, qu'on leur fasse boire une eau qui n'est pas minérale, selon eux, qu'on ne marque pas sur l'étiquette qu'elle contient de l'arsenic, qu'on la transporte par camion sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, tout ça les effare beaucoup. Oui. Donc ils reviendront faire des images à Vittel au mois d'août. Et ils ont mis en ligne une pétition allemande qui recueille plus de 100 000 signataires en Allemagne sur le sujet. Ah oui! Oui, quand même, donc autant dire, ça fait beaucoup de bruit et on pourra parler un petit peu du relaiement. Encore une fois, on pourra revenir plus en détail, même si tu as déjà dit beaucoup de choses sur le relaiement de cette affaire et d'autres, toujours la problématique qui vous préoccupe dans les médias. Mais on va peut-être déjà passer un deuxième morceau intitulé Vittel, Vittel. Vittel est-elle en vie, en fait, pour paraphraser, vu que les auditeurs n'ont pas le titre sous les yeux. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. On part à la dérive, Vittel, Vittel. Notre eau n'est plus qu'en pack, Vittel, Vittel. Nos robinets en vrac, Vittel, Vittel. On est encore célèbre, Vittel, Vittel. C'est quoi cette marche funèbre, Vittel, Vittel? La nappe est bien pompée, Nestlé, Nestlé. Va pas tout nous piller, Nestlé, Nestlé. On va finir par en crever, Vittel, Vittel. Laisse pas Nestlé forer, Vittel, Vittel. Ils vont pas nous sevrer, Nestlé, Nestlé. Ils ont qu'à nous flinguer, Nestlé, Nestlé. L'eau elle est pas qu'à toi, Nestlé, Nestlé. On doit la partager, Vittel, Nestlé. Mais quoi, t'es pas leur roi, Nestlé, Nestlé. Tu crées même plus d'emploi, Nestlé, Nestlé. Bientôt plus que 200, Nestlé, Vittel. Encore 4500, Vittel, Vittel. Et y a pas si longtemps, Vittel, Vittel. Tout ça pour plus de fric, Nestlé, Nestlé. Où sont nos politiques, Vittel, Vittel? En train de nous faire la nique, Vittel, Vittel. Faut pas faire dans votre froc, Vittel, Vittel. L'eau ça n'est pas du troc, Vittel, Vittel. Pour nous c'est pas du toc, Vittel, Vittel. L'eau elle est juste en dessous, Vittel, Vittel. On sait qu'elle vaut des sous, Vittel, Vittel. Et elle serait plus pour nous, Vittel, Vittel. Il faut se réveiller, Vittel, Vittel. Elle leur dira Nestlé, Vittel, Vittel. Qu'il faut pas tout pomper, Vittel, Vittel. Sinon ça va péter, Nestlé, Nestlé. On va pas la chercher, Nestlé, Nestlé. Ailleurs que sous nos pieds, Nestlé, Nestlé. Faut quand même pas pousser, Nestlé, Nestlé. On va pas tout payer, Nestlé, Nestlé. T'as pas grand chose à faire, Nestlé, Nestlé. baisser ton chiffre d'affaires, Nestlé, Nestlé. Mais ça, tu veux pas le faire, Nestlé, Nestlé. C'est que tu veux la guerre, Nestlé, Nestlé. Pot de terre contre pot de fer, Nestlé, Vittel. Crois-nous, on saura le faire, Nestlé, Nestlé. On va pas se laisser faire, Nestlé, Nestlé. Car on veut pas crever, Vittel, Vittel. On mord quand on est en colère. Et la colère pourrait arriver quand même. Sur le territoire de Vittel contre Xéville-Bulnéville, on prélève plus d'eau que la nappe d'eau est capable d'en régénérer. C'est assez simple, hein. Et ça, tout le monde est d'accord. Nestlé est d'accord, la fromagerie de Bulnéville est d'accord, tout le monde est d'accord. Les politiques sont d'accord, c'est formidable. Mais il y a un gros désaccord, c'est sur les solutions. Comment faire pour arrêter ce déficit chronique d'une nappe d'eau? On nous propose de transférer des masses d'eau d'autres territoires. Ça, pour nous, c'est deadline. C'est impossible de franchir ça. Pot de terre contre pot de fer, Nestlé, Vittel. Crois-nous, on saura le faire, Nestlé, Nestlé. On va pas se laisser faire, Nestlé, Nestlé. Car on veut pas crever. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau Vittel, Vittel, encore un morceau engagé vu que c'est le thème de l'émission de ce soir, hein, toujours avec Bernard Schmitt de l'association Oiseau Nature et Christiane Lecoanet. Je vais y arriver, excuse-moi Christiane, tu es référente environnement de l'UFC Que Choisir et tu fais aussi partie de la commission locale de l'eau. Mais d'ailleurs Bernard, toi aussi tu en fais partie également. De oui, la... bien sûr. Voilà. Oui. Et ce qui vous réunit encore une fois, je le répète, hein, c'est le collectif O88, un collectif entre guillemets lanceur d'alerte pour la situation de l'eau à Vittel et la surexploitation par Nestlé. Et encore une fois, hein, ça colle encore une fois avec la pause musicale vu que c'est toi qui a emmené ce morceau. Et on parlait de plein de choses et comment dire, tu as parlé aussi du conflit d'intérêts dans la mesure où la présidente de la commission locale de l'eau a un lien avec Nestlé et mariée à quelqu'un qui travaille chez Nestlé. Faut que j'arrête de jouer avec mon stylo, moi. D'ailleurs, il y a un terme qui m'a marqué dans la chanson, c'est peau de terre contre peau de fer. C'est littéralement David et Goliath, mais vous continuez à vous battre. Et peut-être que votre voix est en train de se faire entendre, surtout par le relayement médiatique. On en a parlé un petit peu, tu as dit que les médias allemands ont beaucoup, beaucoup pris l'affaire à cœur. Est-ce qu'il y a d'autres médias ou même des journalistes français ou même autres qui ont continué aussi dans ce sens-là? Je pense quand même qu'en France, on a deux médias qui suivent bien l'affaire. Oui. J'espère que Vosges Matin s'y mettra un peu plus. Mais ces deux médias nationaux, c'est Reporter. On connaît Reporter notamment sur son combat antinucléaire, mais qui est en train d'élargir, je crois, sa palette à l'ensemble de l'environnement. C'est une jeune journaliste que nous avons vue de Reporter à Vittel assez récemment et qui a publié un bon article, très très bon article. C'est Lorraine l'avocat d'ailleurs. Et puis c'est Le Parisien qui nous a un peu surpris parce que, ayant été parisien quelques années, si vous achetez Le Parisien le dimanche, vous arrêtez vite de l'acheter, je plaisante, mais c'est un peu ça. Mais en semaine, finalement, visiblement, ils ont plus de liberté que le dimanche. Et on a eu un très très bon article, sensible, intelligent, voilà. Donc s'il y a deux articles à lire, il y a celui de Mediapart, que j'ai cité tout à l'heure, d'un certain Robert Schmitt, qui n'a aucun lien avec moi, il n'y a pas de conflit d'intérêt. c'est avec DT, il est allemand, moi ça fait longtemps que j'y suis pas, et j'ai noté. Mais ces trois articles-là, Mediapart, Reporter et puis Le Parisien, c'est bons articles. Et donc, ce sont vraiment des articles parce qu'on accuse régulièrement certains journaux d'être orientés ou d'orienter notre vision. Là, ce sont vraiment des articles qui ouvrent beaucoup plus les yeux sur la réalité du terrain. C'est bien ça, Bernard? Oui, complètement. Et sans oublier les médias allemands. Oui, bien sûr, sans les oublier. Ça, c'est essentiel. Et on commence à avoir des émissions télévisées, des articles qui sont en cours de traduction. On dispose d'un film tourné par les Allemands qui est sous-titré en français maintenant. Donc, c'est vrai qu'il faudrait réussir à faire part de tout ça. Mais diffuser l'information, c'est difficile. Oui, mais dans quelle mesure c'est... Enfin, je m'adresse à toi en tant que média, entre guillemets, mais c'est vrai qu'il y a certains médias qui vous ont volontairement fermé les portes parce que, encore une fois, c'est le pot de terre contre le pot de fer. C'est une bonne question, je crois. Oui, c'est une bonne question. Non, je voudrais réagir avec subtilité là-dessus. Finalement, le premier média qui a sorti quelque chose, c'est Vosges Matin. Alors, oui. Je sais qu'on accuse souvent Vosges Matin d'être lié à des intérêts, etc., et de protéger les intérêts économiques du coin, comme Nestlé, etc. C'est peut-être vrai, hein. Mais par exemple, nos réunions publiques récemment ont été en partie relayées. On a regretté que la dernière réunion de Dompère n'ait pas été relayée. On pensait qu'elle le serait. Mais il y a eu des articles. Donc je pense quand même que Vosges Matin est sur la bonne voie. Mais il faudrait l'encourager pour en faire un peu plus. Oui. D'accord. Eh bien oui, si Vosges Matin nous écoute, hein, vous savez quoi faire. C'était dans ce sens-là. Et ensuite, ou je t'ai coupé dans ton idée, je oui, crois. Oui, c'était quoi la question? Je sais plus. Je sais plus, mais c'est non, pas grave. Non, il y avait l'idée du chemin médiatique, quoi. Oui, oui, oui, le chemin médiatique. Ah oui, parce que, oui, ça y est, maintenant je sais où je veux en venir. Donc, il y a deux moyens d'informer la population sur la réalité du terrain. Donc, il y a déjà par le biais des médias. Et tu as parlé de réunions publiques, dont celle à Dompère. Donc, vous faites aussi des réunions où vous allez vraiment voir la population. Globalement, comment ça se passe? Alors là, on s'est donné les moyens, parce que des réunions publiques, on en avait fait en 2016. Oui. Puis il n'y avait personne. Sur 5 personnes qui venaient, on avait 4 copains et une taupe. Ah. D'accord. Donc, ça nous a permis de nous entraîner, mais il n'y a pas eu d'impact. Et là, on s'est dit que, compte tenu de l'urgence du 3 juillet, il fallait qu'il y ait du monde à nos réunions publiques. Donc, on a imprimé des tracts, ça coûte de l'argent. Oui. Hein? Et puis, à l'arrache, on a récupéré des gens qui ont bien voulu tracter. Et on a fait toutes les boîtes aux lettres à Bugnéville. Moi, j'ai passé un dimanche avec ma femme à faire toutes les boîtes aux lettres de Bugnéville. Il y en a plein, parce que c'est une ville en expansion. Oui. Et puis, les gens étaient dehors, il faisait beau, il faisait du barbecue. Alors, on discutait. Mais c'est vrai. Et c'est la première réunion, on avait 60 personnes. Ça nous est jamais arrivé. Et 60 personnes de gens qui disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est en train de découvrir des choses. On a lu effectivement des médias, dans les médias, des choses. Hein. Dès que c'est médias nationaux, ça sonne quand même. Oui. Hein. Et, moi, je sais pas, j'ai été vu sur Antenne 2, c'est incroyable. Il y a la moitié des gens qui regardent TF1, et puis l'autre moitié à 8h Antenne 2. Enfin, c'est, il vaut mieux pas regarder hein, ces médias-là, mais c'est pas, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais ça a eu un vrai impact. Et puis, Vittel, Contrexéville, et les villages ont été tractés de la même façon par une trentaine, une quarantaine de personnes. Et du coup, à Vittel, on avait eu un peu plus de 200 personnes. Wow. Ça ne nous est jamais arrivé. Ah oui, quand même. Donc, il y a vraiment un intérêt de la population. La voilà. Population et à Dompère, j'ai compté moi-même 152 personnes présentes. Alors qu'on est en race campagne. Pour venir à Dompère, il faut se déplacer, il faut prendre sa voiture, etc. Alors que sur Vittel, on peut venir à pied. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein? Donc ça a un impact fort. Et puis du coup, on a dit, le collectif eau, on l'a décidé ensemble, avec Jean-François Fleck, Christiane et puis Christian Viaume, on l'a décidé ensemble d'ouvrir le collectif eau à tous les adhérents qui le voulaient. Alors, c'est super parce que c'est gratuit. Oui. Et on veut une adresse mail. Et puis pour fiabiliser l'adresse mail, on veut le nom, le prénom, un téléphone, une adresse qu'on n'utilise pas. Oui. D'accord ? Et on n'utilise que le mail. Et du coup, on a maintenant environ un peu plus de 200 personnes à qui on peut envoyer de l'information régulière, qu'on peut mobiliser pour une action. Et notre premier test, grandeur nature, ça va être combien y aura-t-il de personnes devant le conseil départemental mardi matin à 9h. Le 3 juillet. Le 3 juillet. Oui, on le répétera encore une fois, mais t'as un peu titillé ma curiosité. Donc si un auditeur a envie de devenir adhérent au collectif, comment est-ce que ça se passe? Donc t'as dit, il doit donner donc une adresse mail, une identité qui sera bien entendu gardée secrète. Oui. Mais où ou à qui doit-il les fournir pour être officiellement adhérent? En fait, il écrit à notre boîte Gmail, oui, qui s'appelle fort intelligemment... Collectifo 88, en tout attaché, en minuscule, sans point, @gmail.com. Et c'est moi qui gère cette boîte, on l'a décidé ensemble. Et si quelqu'un fournit tout cela, on enregistre son adresse, et puis à chaque fois qu'on va envoyer quelque chose, de la doc, un événement, il sera dans le listing de diffusion. On a encore pas eu le temps, et puis pas forcément les compétences, mais on va les acquérir, de mettre en place une espèce de newsletter oui, qui serait plus simple pour la diffusion. Mais il faut qu'on apprenne des choses là. Oui, mais bon, d'après ce que j'ai compris, vous faites vraiment tout ce que vous pouvez pour informer les gens et pour les encourager à agir s'ils en ont envie. Donc, t'as parlé des newsletters. Et forcément, oui, forcément, ça a un lien avec l'événement de ce week-end. Hein, la semaine prochaine. Mais je vais l'annoncer encore une fois demain dans mon émission. Donc, une manifestation mardi 3 de 9h à midi à Épinal devant le conseil départemental, hein, rue de la préfecture. Pour faire quoi en fait, pour encourager le... Je t'écoute. Ce qu'on veut montrer aux membres de la commission locale de l'eau. La commission locale de l'eau, c'est trois collèges. C'est un collège d'élus, c'est un collège d'usagers, dont nous faisons partie, mais avec Nestlé et la fromagerie, dont on n'a pas parlé encore. Oui, c'est vrai. Hein. Et le dernier tiers, c'est trois tiers, hein. Le dernier tiers, c'est des représentants du préfet, de l'État. Donc vous voyez bien que entre le préfet et les élus, il peut y avoir des deals qui fait que ces deux collèges sont majoritaires. Et comme dans le nôtre, en plus, on a Nestlé et la fromagerie, on est sûr d'être minoritaire. Oui. D'accord. La construction même, si elle est légale, n'en est pas démocratique. J'insiste là-dessus. Hein. Il faudra faire évoluer ces commissions. Peu importe, on fait avec ce qu'on a. Hein. Et ce qu'on veut montrer aux participants de la clé, c'est qu'il y a du monde dehors qui fait pression sur eux pour refuser un alignement des votes sur la position du préfet et de Nestlé. Oui, parce que s'il y a aussi, t'as parlé de la fromagerie, c'est vrai que ce serait peut-être bien qu'on en parle un petit peu, que les auditeurs situent un petit peu. Donc s'il y a des, on va dire, protagonistes qui pompent dans la nappe, donc déjà forcément, il y a Goliath, c'est Nestlé, il y a la fromagerie, il y a la population, il y en a d'autres. Il y a les agriculteurs, par exemple. Hein. Mmh. Et puis, il y en a un autre qu'on méconnaît toujours, c'est les fuites. Les fuites réseau, c'est 20% ah oui. de l'eau des grès. Donc sur les 3 millions de mètres cubes qui sont chaque année extraits du sol, du sous-sol profond, hein, il y en a 20% qui partent à la baille. Ah oui. D'accord. C'est un gâchis. Alors au moins... Qui retourne quand même peut-être à la terre. Au moins cette eau-là, elle reste dans le sol, alors que l'eau de Nestlé, elle s'en va ailleurs et elle perturbe grandement le cycle de l'eau. Oui. Local. C'est important, ça. Et si on veut faire effectivement le parallèle avec le sujet de la fromagerie, qu'on a mis du temps à... Parce que vous savez, les pouvoirs publics, ils nous disent, il y a les industriels. Mais on s'est aperçu que les industriels, c'est une étiquette un peu facile. Oui. On a d'un côté un industriel, une multinationale, hein, qui, lui, et c'est naturel, c'est dans les gènes d'une multinationale, cherche à faire des bénéfices. Oui. Hein. Je vais vous donner deux chiffres. Enfin, quatre en l'occurrence. En 1975, il y avait combien d'employés à Vittel Contrex ? Allez, au hasard, 4005. Hein, pas mal. Allez, oui. Hein, aujourd'hui, 900, dont 150 emplois précaires. La cible, 200 à 300. Ah, mais pourtant, la multinationale fait de plus en plus de chiffres. Donc, et les bouteilles, à l'époque, en 1975, on en embouteillait 400 millions. Aujourd'hui, on est à 2 milliards. Donc vous voyez les bénéfices que fait la multinationale en diminuant systématiquement l'emploi. Plus Nestlé exportera, vendra son eau, plus elle l'automatisera, moins il y aura d'ouvriers, de salariés dans les usines. D'ailleurs, quand vous visitez Contrex et Ville, tout est automatique, vous voyez personne. Ah oui, donc en fait, ça va même au-delà, d'après ce que je comprends, la problématique de Nestlé et l'appauvrissement en fait, des nappes phréatiques, ça va même carrément jusqu'à la suppression d'emplois et l'augmentation de la coupe de chômage, malgré les bénéfices qu'ils font. Donc ils peuvent, en fait, ils peuvent se le permettre techniquement. Bien sûr, tout à fait. Pourraient. Donc plus ils vendront, plus ils automatiseront, robotiseront. Allons, modèle inverse. Sans doute d'un capitalisme plus paternaliste, la fromagerie de l'Ermitage. Ils étaient 70 employés en 1960. Aujourd'hui, ils sont 960. Ils sont 680, je mélange les pinceaux. Et ils font vivre 400 agriculteurs qui font du lait sur le territoire. D'accord ? Donc, la fromagerie est en passe d'être le premier employeur privé des Vosges, alors que Nestlé l'est toujours, mais demain n'y sera plus le premier employeur. Et quand vous visitez la fromagerie, on discute avec les industriels, on va les voir, on est reçu, on discute, des fois c'est un peu raide, mais c'est comme ça. Hein. Et à la fromagerie, ben, vous êtes sidéré, vous voyez du monde partout, vous voyez plein de jeunes, ils sont tous en CDI, et ben c'est une autre ambiance. Moi j'espère que la fromagerie ne sera pas rachetée par Lactalis. Eh bien, je l'espère sincèrement. Ah, oui. Mais d'après ce que j'ai compris aussi, enfin non, pas d'après ce que j'ai compris, mais tu l'as dit aussi, enfin vous l'avez dit tous les deux, déjà depuis le début de l'émission, la quantité d'eau va se raréfier parce que la nappe ne se remplit pas assez vite, mais c'est normal, c'est la nature. Et bon, il y a peut-être des alternatives, ou du moins les protagonistes qui puissent dans ces nappes devraient trouver des alternatives. Alors si j'ai bien compris, Nestlé n'a pas l'air de vouloir en trouver. Et la fromagerie de l'Ermitage, elle, est-ce qu'elle va essayer de trouver des alternatives à ce problème ? Alors ça, c'est compliqué, la question, parce que c'est le sujet des demi-vérités ou des demi-mensonges. Hein. La fromagerie de l'Ermitage est autorisée à prélever, comme on dit subtilement, 650 000 m3 par an. Je crois qu'ils en prélèvent environ 450 000 aujourd'hui, ce qui veut dire qu'ils ont fait des investissements pour travailler en circuit fermé. Puis la fromagerie en soi, c'est aussi un producteur d'eau, parce qu'elle a une tour de séchage, et toute l'eau qu'elle récupère du lait qu'elle fait sécher, elle pourrait l'utiliser comme eau de nettoyage de son usine, mais la loi lui interdit. Et c'est 150 000 m3. Donc, quand on discute avec l'industriel, on s'aperçoit que il est conscient du sujet, il récupère l'eau de pluie pour laver les camions, enfin, on fait pas mal de choses. Chez Nestlé aussi, il y a une certaine conscience du sujet. Alors Nestlé, qui est autorisé à 1 million de mètres cubes par an, en embouteille en réalité 730 000. Donc ils nous disent globalement, on en prélève actuellement 800 000, on a économisé 200 000. C'est vrai. Ah, bah alors c'est formidable. Mais en échange, la préfecture les a autorisés à faire de nouveaux forages dans la nappe qui est à 40 mètres, à l'extérieur de sa zone d'embouteillage, hein, et il prélève déjà 300 000 m3. Et l'an prochain, il en prélèvera 400 000. C'est en cours d'autorisation. Donc il a économisé 200 000 sur les GTI, mais il en prélève 400 000 supplémentaires à l'extérieur de sa zone d'embouteillage pour les nappes classiques. Et d'ailleurs, il y a des villages qui commencent à en souffrir, parce que comme ils pompent, bah, par exemple, vous avez un village comme Dombrolsec, un village comme Lignéville, bah, vous savez ce qu'on fait l'été ? Non. On amène les camions-citernes pour mettre de l'eau dans les châteaux d'eau. Entendez-le bien, ça. Oui, c'est catastrophique. On peut oui, dire ça. Tout à fait. C'est littéralement catastrophique. Et donc, pour réagir à ça, et pour pousser les pouvoirs publics à agir, donc déjà, il y a l'appel à la manifestation ce mardi que je rappellerai encore un petit peu. Et il y a aussi une pétition qui a été lancée. Je me permets quand même d'en parler, vu que ça fait partie des documents sur lesquels je suis tombée en préparant l'émission. Donc, c'est une pétition sur le site mesopinions.com, donc eau potable en danger à Vittel et dans l'ouest vosgien, qui compte 33 611 signatures, hein, c'est tout à fait gratuit de signer, et c'est fait par le collectif vosgien, donc encore une fois c'est pour continuer à sensibiliser. Alors c'est pas nous, après il y a beaucoup de collectifs qui naissent, mais le collectif eau c'est pas le collectif vosgien, je vais vous raconter, maintenant c'est un peu le collectif eau quand même, hein. Oui. Mais suite à la réunion de Vittel, on a vu arriver chez moi, deux jours plus tard, quelqu'un que j'avais jamais vu. Oui. Je ne vais pas dire qui il est, mais j'avais jamais vu. Puis il a dit, je pense qu'il faudrait faire une pétition. Alors, on lui a dit, vous savez, c'est difficile, parce que le 3 juillet, c'est tout prêt, puis s'il n'y a personne qui signe, on aura l'air bête. Il a dit, je vous propose de rédiger la pétition avec une ou deux personnes, et puis je vous la porte et je la mets en ligne. Donc il l'a fait. Et du coup, il a adhéré aussi au collectif O. Mais c'est donc une initiative externe. Oui. Maintenant, elle est reprise par le collectif, hein, je ne cherche pas à jouer là-dessus. Mais c'est réellement un citoyen de Vittel qui était révulsé par ce qu'il entendait, par ce qu'il apprenait. Parce que c'est l'aspect caché du truc, c'est que les citoyens ne sont pas au courant. Ça fait, la commission locale de l'eau a été mise en place à la fin des années 2007-2008. Vous vous rendez compte ? Oui. Elle n'a jamais rien produit, ou à peu près, hein, mais surtout, il n'y a pas eu d'information des populations sur les solutions à choisir. Même certains élus ne sont pas informés. Certains maires de petits villages n'étaient pas informés. Ils viennent d'être informés il y a 15 jours. Oui. Hein, pour l'un d'entre eux. Oui, on a vu un maire d'un village du sud-est vosgien qui a appris à environ 15 jours, alors qu'il fait partie du syndicat des eaux, en l'occurrence des Ableuvenettes, hein, et le président du syndicat des eaux a réuni tous ses maires en leur disant « l'heure est grave, voilà ce qui se passe, etc. » Mais ça a été un coup de foudre dans le crâne, quoi. Et on voit bien les réunions publiques qu'on fait, mais les gens... Il y avait une jeune femme hier qui disait « mais c'est ce que vous nous dites, c'est épouvantable. » Elle disait « mais j'ai le cœur qui bat, mais je suis affolée. » Les gens sont... Donc c'est la raison pour laquelle nous on dit « il n'y a jamais eu d'information des populations. » Donc avant de prendre une décision maintenant, on demande un moratoire. D'accord ? Oui. Et ce moratoire, ça doit être fait pour faire des réunions publiques avec qui on veut. Nous, on veut bien sûr participer pour expliquer notre point de vue, mais peuvent participer Nestlé, les pouvoirs publics doivent l'organiser, les élus doivent venir. Il faut que la population puisse se renseigner précisément. Oui, donc... Nous, on pense que la solution au problème d'eau du territoire de Vittel-Contrex-Lunéville doit être trouvée dans le territoire et pas en dehors du territoire. Je ne vais pas piquer de l'eau ou des habits à Pierre pour habiller Paul, c'est toujours l'image qui est donnée. Que se passera-t-il dans 10 ans dans le sud-est vosgien si on commence à prélever 1 million de mètres cubes par an pour le ramener sur Vittel ? La même chose qu'à Vittel dans 10 ans. Oui. Et oui, il faut dire quand même aussi qu'il y a une loi sur l'eau. Une loi sur l'eau qui date de 2006. Et cette loi sur l'eau stipule que, premier usage de l'eau, l'approvisionnement en eau potable des populations. Première priorité. Deuxièmement, le contexte économique, c'est-à-dire les entreprises, les agriculteurs, faire vivre le tissu économique. Et troisièmement, s'il en reste, éventuellement, de l'embouteillage pour l'exporter, enfin pour l'enlever du territoire. Et là, les choses sont faites littéralement à l'envers. Complètement. On est en train de donner la priorité d'usage à l'industriel. Et à Goliath, littéralement, donc un moyen de protester, c'est en signant la pétition. D'ailleurs, pendant que tu parlais tout à l'heure, j'ai signé la pétition. Bravo. Autant dire, c'est simple, c'est facile, c'est rapide. Hein. Il suffit juste de mettre son adresse mail et de signer, parfois partager sur Facebook, Twitter ou Google+, mais je ne sais pas si c'est... Mais ça, c'est le plus facile. C'est le plus facile. Le plus dur, c'est de se déplacer. Ah, pour ça, il faut être disponible. Mais en effet, parce que s'il y a aussi un moyen d'agir physiquement, comme vous l'avez bien dit, c'est d'être à la manifestation mardi 3 juillet de 9h à midi à Épinal, hein, devant le conseil départemental, là où concrètement vous allez... Là, c'est pas une réunion d'information, c'est vraiment... Encore une fois ? Non, c'est une réunion de décision. Ah, une réunion de décision. Absolument. On doit voter les transferts d'eau. Le principe des transferts d'eau, notamment le pipeline qui va aller de Valfroicourt, les Rhins, jusqu'à Vittel. Et donc, cette décision sera prise par le conseil départemental ? Par les trois collèges qui constituent la commission locale de l'eau. Et un tiers d'élus, un tiers d'usagers et un tiers d'État. Ah, et donc, vous serez là, vous serez là un petit peu pour dire que vous êtes là. Nous, on sera dans la salle, on va voter et on dira combien de troupes derrière nous pour faire pression sur la décision de la commission locale de l'eau. Oui, parce que encore une fois, donc maintenant je l'ai enfin compris, il y a une décision importante qui va se jouer le 3 juillet. Oui. D'ailleurs, bon, je peux déjà le dire aux auditeurs, hein, ça vous dérange pas si je viens aux nouvelles pour informer nos auditeurs de ce qu'il en sera ? Ah, bien sûr. Et ce sera avec plaisir. Donc, à la fin de l'émission, tu as mon portable et il n'y a pas de problème. On pourra. Je le renoterai parce que je me perds un peu dans mes notes, mais mes auditeurs me connaissent très bien. Mais c'est encore une fois pour que les choses soient claires sur la situation de l'eau à Vittel. Donc, épuisement, appauvrissement des sols. Je me rends compte qu'il y a des sujets qu'on n'a pas pu effleurer parce que l'heure tourne. Mais on pourra peut-être en faire d'autres émissions. Ou bien entendu, j'encourage aussi les auditeurs à aller sur des sources pour s'informer, donc déjà le site de Vosges Nature Environnement, donc VNE 88, le site de Oiseau Nature, tu m'as parlé de Mediapart qui est fiable, et aussi un autre site qui donne beaucoup d'informations mais qui fait pas partie, qui n'est pas lié au collectif, hein, j'essaie de le lire, L'eau qui mord, donc il y a une page Facebook, un Gmail ou un site internet l'eauquimord.com, tout collé sans tirer, sans rien. Voilà, donc je pense que ce sont des personnes qui ont décidé de soutenir c'est-à-dire le collectif O, et oui. qui partage notre combat. Hein, mais nous n'avons demandé à personne de nous soutenir en dehors des membres du collectif O. D'accord. Voilà, oui. Hein, donc c'est une page un peu impertinente, hein, un peu moqueuse, qui ne concerne pas que l'eau, mais qui concerne quand même d'abord l'eau. Mais qui a des informations fiables. Il y a toutes les informations fiables qui sont ici des documents officiels. Il est simple de se les procurer. Il y a des sites, il y a tout ça. Donc les rapports officiels, d'ailleurs nous, avec maintenant le collectif O, on va les diffuser aussi. Oui. Hein, l'eau qui mord, effectivement, possède ces informations officielles et les diffuse. Et toutes les sources seront avec le podcast de l'émission, parce qu'elle touche malheureusement déjà à sa fin. J'encourage bien entendu les auditeurs à continuer à faire des recherches, à s'informer, à même transmettre des informations si le cœur vous en dit, parce que le meilleur moyen d'avoir des informations, c'est d'aller les chercher à la source. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. En tout cas, moi, je l'ai bien compris à travers mon travail ici. Mais vous entendez déjà un petit peu le générique dans vos oreilles, donc ça va être avant le moment de se dire au revoir, le moment de faire la programmation de la soirée. Donc la prochaine émission, c'est à 20h, c'est Débat des Hauts avec Julien et Julien, suivi à 23h de Rock à la Casbah, et on se retrouve demain matin 7h-8h pour la rediffusion de l'émission que vous venez d'écouter à l'instant. Et pour ceux qui n'auront pas la patience d'attendre, hein, comme d'habitude, ce sera sur notre page Facebook ou sur notre site internet radioguimauzo.eu, L'heure des loups, avec, comme je viens de le dire, les sources de sites fiables pour avoir des informations, et qui relayent aussi des informations, parce que Vosges Nature Environnement relaye aussi des articles d'autres journaux, bien entendu fiables, mais on les connaît. Et donc, comme ce sera vendredi demain, donc demain matin, 8h30, ce sera la matinale de Marion qui vous racontera toute la programmation de la journée. Et on se retrouve demain, 18h, 19h. Et comme ce sera vendredi, ce sera le billet de sortie où j'annoncerai encore une fois la manifestation et d'autres événements à venir pour le week-end et la semaine à venir. Enfin, voilà. Donc, c'était Bernard et Christiane du collectif O88, hein. Une cause environnementale sur laquelle il faut vraiment mettre le doigt. Merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps, et merci beaucoup d'avoir transmis toutes ces informations aux auditeurs, à qui je fais un coucou et que je remercie d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. Merci Lou. Merci. Et écoutez, chers auditeurs, on se retrouve demain, même heure, sur Radio Guimauzo. Mais en attendant, bonne soirée à tous.